Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, 1968, aux États-Unis, non à la guerre du Vietnam. Dans le cadre de notre semaine spéciale 68 dans le monde, nous vous proposons aujourd'hui de revivre l'épisode qui a fait basculer l'opinion publique contre l'engagement militaire au Vietnam et pas seulement aux États-Unis. Dans la nuit du 30 au 31 janvier 1968, les forces communistes du Nord-Vietnam, soutenues par les soviétiques, lancent une série d'attaques pour déstabiliser leur voisin du Sud, protégé, lui, par les États-Unis. En plein contexte d'enlisement, l'offensive du Tet, c'est son nom, donne lieu à des combats d'une rare violence. Au terme de 2 mois d'affrontement, le bilan est terrible. Plus de 40 000 morts dans les rangs des soldats nord-vietnamiens, plus de 10 000 militaires sud-vietnamiens tués, ainsi que 5 000 jeunes GIs américains. À cela s'ajoutent les dizaines de milliers de victimes parmi la population civile. C'est une victoire militaire pour les États-Unis, mais l'effet est dévastateur. Galvanisée par les mouvements étudiants et pacifistes, la population américaine va descendre dans la rue et crier sa révolte contre la guerre. Notre invité aujourd'hui, Thomas Negaroff, historien, spécialiste de l'histoire des États-Unis, il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Little Rock 1957, l'histoire des 9 lycéens noirs qui ont bouleversé l'Amérique. Ce livre est sorti le 1er mars aux éditions Talendier. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barreur, réalisation Sonia Leglen et David Jacobovies. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Pour la première fois s'est déroulée aux États-Unis une marche de protestation massive contre la guerre au Vietnam, à laquelle s'étaient jointes les organisations antiségrégationnistes noires. À Chicago, à Washington et surtout à New York, les pacifistes sont descendus dans la rue en arborant le drapeau du Viet Cong. Plusieurs jeunes Américains ont brûlé leur livret militaire devant quelques 150 000 manifestants qui ont entendu ensuite plusieurs orateurs, dont le pasteur Martin Luther King, prix Nobel de la paix, réclamer devant le siège des Nations Unies l'arrêt des bombardements sur le Nord-Vietnam et l'ouverture immédiate de négociations. Été 1967. À la télé, les reportages sur les manifestations contre la guerre du Vietnam se succèdent. Depuis plusieurs mois aux États-Unis, le sujet génère de nombreuses questions, mais surtout une très grande tension. À l'appel des principales organisations étudiantes du pays, mais aussi des associations pacifistes, ou encore du mouvement pour les droits civiques, la jeunesse américaine descend dans la rue. Elle brandit des pancartes sur lesquelles elle dénonce l'entêtement de ses dirigeants à semer la mort et réclame, je cite, « la fin d'une guerre absurde ». À Washington, devant les grilles de la Maison Blanche, chaque matin, plusieurs dizaines de personnes défilent. Qu'elles soient noires ou blanches, jeunes ou moins jeunes, elles deviennent aux yeux des médias du monde entier un symbole. Oui, celui de cette Amérique qui refuse désormais de partir fusil à la main pour faire couler le sang en Asie. À quelques dizaines de mètres de là, derrière les rideaux du bureau ovale, le président des États-Unis, Lyndon Johnson, constate les dégâts. À un an de la prochaine présidentielle, il est conscient que la guerre au Vietnam est pour lui une menace. Les sondages, d'ailleurs, sont de plus en plus inquiétants. 45% de la population américaine désapprouve l'envoi de soldats sur le terrain. Pire, 54% des personnes interrogées affirment ne pas connaître l'enjeu et le but de cette guerre lointaine. Alors, pour tenter de reprendre la main, le président américain réunit, comme chaque semaine, son conseil restreint de défense. Autour de la table, on retrouve des généraux de l'armée, bien sûr, le directeur de la CIA et aussi le ministre de la Défense, Robert McNamara, celui des Affaires étrangères, Dean Rusk, ainsi qu'une multitude de conseillers en costume sombre. Au fond de la salle, un assistant projette une grande carte sur le mur. Sur celle-ci, on distingue un pays en forme de S. Aussi grand et aussi long que la Norvège, il est coupé en deux par une ligne noire. En bas, pour seule légende, cette phrase. État des forces engagées sur le territoire du Vietnam. À la télévision, en France, le journaliste Pierre Desgros rappelle les origines de cette division géographique. 10 ans Après la conférence de Genève qui devait régler son sort, l'ancienne Indochine française demeure l'un des foyers les plus explosifs du globe, au sud et au nord du 17e parallèle qui coupe l'Indochine en deux. Le Sud-Vietnam a de plus en plus de mal à contenir, lui, les actions de plus en plus nombreuses, de plus en plus audacieuses aussi, il faut le dire, des partisans communistes du Viet Cong qui bénéficient de l'appui au moins moral du Nord-Vietnam. Quant au Nord-Vietnam, lui enfin, eh bien, il vit dans une peur savamment entretenue d'une agression américaine dont, il faut bien le dire, Washington ne cache pas qu'il a envisagé au moins l'éventualité. D'un côté le Nord, avec son leader Ho Chi Minh et sa capitale Hanoï, un régime communiste soutenu par la Chine et l'Union soviétique qui entend réunifier le pays. De l'autre, le Sud, donc, sa dictature anticommuniste, sa capitale, Saïgon et son grand parrain, les États-Unis, qui sont à la fois son banquier et son conseiller militaire. Un État dans l'État qui souhaite rester indépendant de son voisin du Nord. D'une lutte pour l'indépendance dans les années 50, le Vietnam est devenu, malgré lui, dans les années 60, le nouveau théâtre de la guerre froide. Sur place, soviétiques et américains avancent leurs pions sur un échiquier invisible et prennent en tenaille 40 millions de Vietnamiens. D'un simple engagement limité sous l'administration Kennedy en 1963, l'Amérique du président Johnson joue désormais en août 1967 un rôle majeur dans le conflit qui oppose le nord au sud du pays. Officiellement, les Américains sont là pour soutenir un régime ami. Officieusement, ils sont là pour empêcher l'expansion du communisme en Asie et ils déploient des moyens militaires colossaux. Les chiffres donnent le tournis. En septembre 1967, on compte au Sud-Vietnam plus de 400 000 GIs. Avec cet incroyable contingent, les Américains multiplient les raids et les assauts contre les poches de résistance du Front National de Libération du Vietnam, celui qu'on appelle péjorativement alors le Viet Cong. Dans les airs, les bombardiers B-52 de l'US Air Force déversent une pluie d'engins meurtriers sur tout le nord du pays. Bombes à fragmentation, explosifs chimiques, napalm ou encore agents orange, ces armes font de véritables ravages parmi la population civile, crimes de guerre. Malgré cette puissance de feu disproportionnée, le conflit s'enlise. À Hanoï, après 3 ans de bombardement, les communistes du Nord ne lâchent rien. Pire, grâce à l'aide matérielle de Moscou et de Pékin, les soldats d'Ho Chi Minh s'infiltrent régulièrement dans le sud du pays, par les montagnes du Laos. Une fois sur place, ils se lancent dans des actes de sabotage meurtrier ou des attentats contre les Américains. Face à cette impasse, l'écrivain Olivier Todd, de retour d'un voyage de plusieurs semaines au Nord-Vietnam, se montre pessimiste. Je crois qu'au nord, les Américains vont accentuer leur bombardement. Je crois que la seule raison pour laquelle ils n'ont pas rasé Hanoï, c'est que c'est un des derniers crans de l'escalade. Je suis certain que les Nord-Vietnamiens tiendront le coup. Je crois que les Américains auront beaucoup de difficultés dans leur guerre aérienne au nord. Et je suis convaincu qu'au sud, ils se préparent de très nombreux dactos. Et je ne crois plus du tout, après ce voyage, à l'omnipotence américaine sur le plan militaire, tant que n'interviennent pas les bombes atomiques. En cette fin d'année 1967, à la Maison-Blanche, le président Johnson a le regard sombre. Dehors, les manifestants pacifistes sont toujours là. Ils sont d'ailleurs chaque jour plus nombreux à se rassembler face aux grilles. Au sol, sur un grand drap blanc entouré de bougies, on peut lire un message à l'attention du président américain. Lyndon Johnson, combien d'enfants vietnamiens vas-tu tuer aujourd'hui ? À cela s'ajoutent les critiques sur les pertes humaines dans les rangs de l'armée. Sur la base aérienne de Nellis, dans le Nevada, des avions cargo rapatrient chaque semaine des dizaines de cercueils de jeunes soldats morts au combat. Des conscrits, des volontaires, des recrues, dont la disparition plonge des familles, des communautés, des villes sous le choc. Pour enrayer cette spirale, Johnson décide d'endosser une nouvelle fois ses habits de chef de guerre. Il multiplie les déplacements et les déclarations pour justifier l'engagement des boys sur le terrain, comme ici, dans une université de Virginie. Ce soir, Je suis venu ici vous parler du Vietnam. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que notre population est très concernée par ce conflit. Nombreux sont les Américains patriotes et sincères qui partagent leurs doutes sur cet engagement, auquel trois présidents déjà et un demi-million de nos jeunes hommes ont participé. S'il y a des doutes ou un débat, c'est que le problème du Vietnam est assez complexe, car c'est l'arène où l'expansion communiste est actuellement la plus agressive dans le monde. De ce que j'en sais, il règne sur place au Vietnam un climat de confiance et d'optimisme au sein de nos troupes. La victoire se rapproche, ajoute Johnson. Cette phrase, le président américain va la prononcer à 14 reprises durant les dernières semaines de l'année 1967, avec pour objectif, bien sûr, de rassurer son électorat, de lui faire croire que là-bas à l'ouest, tout va bien. En vérité, faute de stratégie précise, la guerre stagne sur le terrain. Les boys ne font aucun progrès. À Saïgon, le chef des forces américaines, le général Westmoreland, réclame toujours plus d'hommes et de matériel. Un engrenage infernal. En cette fin d'année 1967, l'administration américaine est au pied du mur. Alors que dehors, la rue gronde toujours. Johnson, lui, cherche à gagner du temps. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'à Hanoï, le pouvoir communiste a fait un autre choix, celui de l'action. Et il entend bien jouer son va-tout combat. Et ses soldats, arborant fièrement l'étoile jaune, sont déjà en route pour rejoindre le sud. Tout n'est plus maintenant qu'une question de jour. La base de Khe Sanh, à 5 km de la frontière du Laos, a été attaquée en pleine nuit à coups d'obus et de mortiers et de roquettes d'un type nouveau. Le dépôt de munitions a été touché, il a explosé, une vingtaine de Marines ont été tués, 109 autres ont été blessés. Le 21 janvier 1968, les forces communistes du Nord-Vietnam lancent un assaut contre la base aérienne de Khe Sanh. Sur place, la surprise est totale. Les soldats américains sont pris sous le feu ininterrompu de l'ennemi. Dans la panique, le général Westmoreland réquisitionne plusieurs milliers de marines pour défendre la base. L'aviation américaine pilonne les collines aux environs, mais rien n'y fait. Les Nord-Vietnamiens sont toujours de plus en plus nombreux à siéger le site. Côté américain, on craint alors de devoir sacrifier le point stratégique Khe Sanh et de se replier. À Washington, le président Johnson suit les événements heure par heure. L'offensive des Nord-Vietnamiens le plonge dans une colère noire. Face aux nouvelles de plus en plus alarmantes, il frappe du poing sur la table et hurle à l'un de ses conseillers « Je ne veux pas d'un autre merdier à la Dien Bien Phu, vous m'avez compris ?» De son côté, le général Westmoreland s'emploie à éviter le bourbier. Il fait parachuter et transporter plusieurs milliers de marines supplémentaires. Un effort considérable, même pour la première armée du monde. À ce moment précis, Westmoreland ignore que l'offensive de Khe Sanh est un piège et que dans l'ombre, les Nord-Vietnamiens préparent déjà un autre coup d'une autre envergure. Dix jours plus tard, dans la nuit du 31 janvier 1968, la ville de Saïgon, capitale du Sud-Vietnam, est à son tour prise d'assaut. Dans les rues, des convois militaires sud-vietnamiens foncent pour protéger le palais présidentiel. Réveillés par des détonations, les habitants de la ville sortent de chez eux. Au loin, on aperçoit dans le ciel le faisceau lumineux des balles traçantes des batteries de défense anti-aériennes. Sur l'aérodrome de Tan Son Nhut, des hélicoptères de combat se posent et redécollent dans un balai incessant. Et l'inquiétude gagne la population. À l'ambassade des États-Unis, personne ne comprend ce qui se passe. Le canal radio avec le commandement des forces armées saturé de messages. Les informations arrivent au compte-gouttes. Lorsque soudain, à 2h47 du matin, une violente explosion se produit sur le mur d'enceinte de l'ambassade. En bas, des soldats hurlent « Ils sont là, ils sont là !» S'ensuit une fusillade. Retranchés derrière les arbres, des soldats du Viet Cong, le Front National de Libération du Vietnam, arrosent les murs de l'ambassade de rafales d'armes automatiques et lancent des grenades. Les Marines américains, eux, ripostent depuis la fenêtre. Les combats durent jusqu'au petit matin. Les corps de 19 Viet Cong sont étendus sur la pelouse. Deux marines américains sont grièvement blessés. Joint au téléphone par France Inter, le correspondant de la FP à Saïgon, Claude Lorieux, témoigne. Y a-t-il encore des combats? C'est la question que nous posions à l'agence France Presse il y a un instant. Mais est-ce que le Viet Cong tient encore des positions dans la ville même ou est-ce qu'il est seulement dans les quartiers à l'extérieur? Naturellement, il est toujours dans le secteur, oui. Il est toujours à l'intérieur de la ville? La ville. Est-ce qu'il y a de gros problèmes pour la population? Ça s'améliore dans les quartiers gouvernementaux. On nous a dit qu'il y avait beaucoup de réfugiés à Saïgon. Oui, à peu près 100 000. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans les rues? Il y a des centres d'hébergement? Comment ça se passe? Absolument partout. Ils sont partout? Oui, oui. Est-ce qu'il y a des barricades? Dès qu'on quitte le centre, on passe vers les barricades, les tirs, les bombardements et puis les tirs isolés. Quelle est la situation à l'aérodrome de Saïgon? Il est toujours fermé au trafic sauf aux avions militaires. Il est toujours fermé sauf aux avions militaires? Oui. En pleine fête du Nouvel An lunaire, plus communément appelée fête du Tet, l'attaque surprise des forces nord-vietnamiennes crée un choc au sein de l'état-major américain. Ces marines se retrouvent pris à revers et essuient des pertes considérables. Quant à l'armée régulière sud-vietnamienne, elle se révèle incapable de résister. Au total, en l'espace d'une nuit, plus de 105 villes du Sud-Vietnam subissent l'offensive des soldats communistes. Parmi elles, Hue, Da Nang, Nha Trang et Dalat. Au petit matin, par endroits, les combats se déroulent en plein cœur des villes. Dans les médias, aux États-Unis, les nouvelles en provenance du front et les images des dégâts à l'ambassade de Saïgon tournent en boucle. Elles agissent sur l'opinion publique comme un terrible révélateur. Loin des discours optimistes du président américain, cette fois le masque tombe sur une réalité indicible. « Rien ne va plus au Vietnam », s'exclame un présentateur à la télé. Le lendemain, l'opinion va même découvrir en images l'horreur qui se cache derrière ce conflit. Le 1er février, le New York Times publie sur sa première page une photo macabre prise dans les rues de Saïgon. Ce cliché, on le doit au photographe Eddie Adams. La veille, alors qu'il sort de son hôtel, il aperçoit un groupe de soldats sud-vietnamiens en armes qui déboule dans la rue. À leur côté, il y a un prisonnier menotté. L'individu est en caleçon et porte une chemise à carreaux. Ellie Adams tente alors de s'approcher pour saisir l'instant décisif de cette scène lorsque soudain, le chef de la police sud-vietnamienne, le général Loan, pointe le canon de son pistolet sur la tête du prisonnier. Il appuie sur la détente. Au même instant, en fraction de seconde, Ellie Adams appuie sur le déclencheur de son appareil photo. Ainsi, le photographe enregistre l'image de la balle qui s'enfonce dans le crâne du prisonnier. Derrière lui, un caméraman de NBC capte les images de l'homme qui s'effondre au sol, laissant échapper sur la chaussée une mare de sang. La guerre du Vietnam avait déjà un surnom, le Bourbier. Elle avait aussi des chiffres dramatiques, celui de ses milliers de morts et de blessés parmi les soldats et la population civile. Grâce à la photographie d'Eddie Adams et aux images de NBC, la guerre du Vietnam a désormais un visage, celui de la barbarie et de l'horreur. Dans les jours et les semaines qui suivent, le ton monte aux États-Unis. La guerre est au cœur de toutes les conversations. Les critiques, elles, sont toujours plus sévères. Acculée, l'administration Johnson doit réagir, oui. Mais comment ? Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. In whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born quelques accords de musique pour aller jusqu'à 13h au dernier top à terre. France Inter, le journal d'Interactualité Magazine, présenté par Jean-Pierre Elkabbach. Dans deux jours, c'est le 14e anniversaire des toutes premières attaques de la bataille de Dien Bien Phu. Il paraît que les officiers et les soldats américains de Khe San ne dorment pas depuis quelques nuits à cause de cet anniversaire et surtout à cause de la signification qu'il peut avoir auprès des combattants et des dirigeants militaires et politiques chargés de mener la guerre du Vietnam. On peut ajouter à ce dossier un sondage sur la situation aux États-Unis, les réactions de l'opinion américaine à cette guerre et à l'extension possible du conflit vietnamien. En effet, 49% des Américains estiment que l'intervention américaine au Vietnam est une erreur. Il y a un an, 32% seulement des Américains étaient de cet avis. Si l'on ajoute à cela le fait que 40% des étudiants de l'université de Harvard, l'une des universités les plus modérées des États-Unis, sont prêts à aller en prison ou à partir à l'étranger plutôt que d'aller se battre au Vietnam, on constate alors que l'opinion américaine est de plus en plus défavorable à une escalade militaire. Lundi 11 mars 1968, dans les couloirs du Pentagone, siège du ministère de la Défense américaine, circule une étrange rumeur. Voilà un mois et demi que l'offensive du Tet fait couler le sang au Vietnam et l'encre aux États-Unis. Un mois et demi de combat d'une intense violence dans les grandes villes du sud du pays. Si désormais le calme est revenu à Saïgon, les combats se poursuivent toujours sur la base de Khe San, dans l'ancienne capitale impériale de Hue, et dans certaines villes de province. Là, on assiste à une lutte à mort entre les Marines et les soldats nord-vietnamiens ou leurs alliés Vietcong. Or, il se murmure en coulisses que le département de la Défense n'aurait aucun plan pour sortir ses boys de l'impasse. Et si de nombreux experts s'accordent sur le fait que, sur le plan militaire, l'armée américaine remporte pour le moment une victoire éclatante, en ayant anéanti une grande partie des forces nord-vietnamiennes, ces mêmes experts s'accordent aussi pour dire que l'offensive du Tet n'a pas permis à l'armée américaine de faire le moindre progrès et qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune porte de sortie. Présent sur place à Washington, le correspondant de France Inter, Jean-Claude Eberle, fait le point. Dans l'esprit de l'administration Johnson, l'offensive Vietcong se solde par un échec sur le plan militaire. L'objectif qui consistait à prendre possession de plusieurs capitales provinciales et à obtenir une assise populaire n'a pas été atteint, a dit M. Dean Rusk. Au contraire, il y a 13 000 Vietcong tués et 4 ou 5 000 prisonniers. Ce qui apparaît très nettement aujourd'hui, c'est que maintenant, l'administration Johnson est en quelque sorte prisonnière d'une ligne politique et d'une ligne militaire qui a été affirmée depuis très longtemps et avec une certaine véhémence, et qu'elle a beaucoup de mal à faire volte-face en année électorale. En ces journées de mars 1968, assis dans leur salon, installés devant leur poste de télé, 95 millions d'Américains vivent en direct les affrontements qui se déroulent au Vietnam. Grâce aux nouvelles technologies de l'information et à l'évolution des moyens techniques, la guerre s'invite pour la première fois dans les foyers, partout dans le pays. Elle rythme les petits déjeuners, elle anime les dîners, elle enflamme les soirées. Avec elle, son cortège d'images violentes, celle de ces centaines de jeunes Marines blessés, tirés à bout de bras par leurs camarades, de ces visages usés, abîmés, horrifiés, les fermes brûlées, bombardées par l'aviation, et puis ces familles vietnamiennes qui fuient les combats avec leurs enfants nus dans les bras, l'apocalypse, maintenant. Sur les plateaux de télé, les journalistes américains se montrent très critiques. Certains d'entre eux comparent même l'offensive du Tet à la déroute de l'armée française à Dien Bien Phu. En direct, sur la chaîne CBS, le présentateur du journal du soir, Walter Cronkite, grande figure de la scène médiatique aux États-Unis, affiche son exaspération et dit « Dire que nous sommes proches de la victoire aujourd'hui, comme le proclament certains de nos dirigeants, c'est croire ces mêmes optimistes qui ont eu tort par le passé. » Une chose est claire, conclut le journaliste d'un ton grave, la seule façon rationnelle de sortir de ce conflit sera de négocier, mais pas en tant que vainqueur, non, en tant que peuple honorable. Parmi ceux qui s'alignent sur cette position, il y a le commandant en chef des forces américaines au Vietnam, le général Westmoreland. Face à des journalistes de l'ORTF, il s'exprime en français. Ce n'est pas possible pour nous de perdre la guerre. Mais je me demande si nous pouvons gagner la guerre au sens politique. C'est très important et je trouve que l'opinion publique en France, en Europe, en Asie, en Amérique surtout, est très importante. Nous avons besoin d'un public qui est bien informé. Les communistes ont eu beaucoup de succès au point de vue de propagande. Heureusement, ils n'ont pas eu le même succès militaire. En l'espace de quelques jours, en ce mois de mars 1968, l'opinion publique s'embrase un peu partout aux États-Unis. Spontanément, les gens descendent dans la rue et manifestent leur opposition à la politique du président Johnson. À Boston, Chicago, San Francisco, Washington, Philadelphie ou encore Seattle, les rassemblements se multiplient au cœur même des principales agglomérations américaines. En tête de cortège, on retrouve le leader des mouvements étudiants de la gauche américaine et ceux des droits civiques. Depuis le début du mouvement pour la paix au Vietnam, certaines universités, comme celle de Berkeley, ont fait figure de terreau fertile pour la contestation. Colloques, meetings, pièces de théâtre, les étudiants sont devenus une force militante de premier plan. Et preuve que leur mouvement inquiète, la police place certains d'entre eux sur écoute. Elle suit pour d'autres leurs déplacements et enfin, elle procède à quelques arrestations musclées. Mais cela ne décourage pas les étudiants, au contraire. À New York, ils sont plus de 20 000 à se donner rendez-vous à Central Park pour défiler en faveur de la paix. Des journalistes de l'ORTF enregistrent alors les témoignages de plusieurs d'entre eux. Nous ne pouvons pas gagner cette guerre parce que les peuples vietnamiens ne sont pas pour nous. Je n'aime pas la guerre et j'espère que notre armée retournera aux États-Unis parce que ce n'est pas notre affaire d'aller là. On ne peut pas faire la guerre contre les gens, comment vous dites, les guerrieros, si vous voulez. Les guerrieros. On ne peut pas le faire avec nos méthodes, n'est-ce pas? Vous, les Français, vous avez compris ça. Sur place, à Central Park, un étudiant grimpe sur un arbre et harangue la foule. Armé d'un mégaphone, il lit un communiqué officiel de l'armée. « J'ai entre les mains les chiffres des pertes humaines de ces 25 derniers jours », s'exclame-t-il. « 221 personnes, qui étaient peut-être vos frères, vos amis, vos voisins, ou même de simples connaissances, et plus de 1500 blessés. » Alors, un silence pesant envahit la place, puis on entend les cris et les sifflets. Dans les minutes qui suivent, la situation se tend lorsqu'on apprend qu'à quelques centaines de mètres de là, un cortège de vétérans de l'armée défile pour apporter son soutien à l'effort de guerre. Les étudiants veulent aller en découdre, mais il faut tout le sang-froid des chefs de la police de Manhattan pour éviter que la situation ne dégénère. New York, on l'a dit, n'est pas le seul terrain d'expression des opposants à la guerre du Vietnam. Washington, la capitale du pays, n'est pas en reste. Et très vite, la lutte contre la guerre s'exporte aux autres capitales du monde. 50 à 100 000 manifestants se sont retrouvés devant le Pentagone face à 11 000 hommes de troupes. Protestation contre la guerre au Vietnam, à laquelle d'autres manifestations devaient faire écho un peu partout dans le monde. À Tokyo, à Paris, à Berlin, à Amsterdam, à Londres. À Londres, où l'ambassade des États-Unis était solidement gardée. Partout en Europe, l'engagement américain au Vietnam provoque de violentes manifestations. Elles atteignent un niveau de mobilisation inédit. À Londres, l'ambassade des États-Unis est prise d'assaut par plusieurs milliers de personnes. À Berlin, ouest, plus de 150 000 manifestants se rassemblent devant l'hôtel de ville. À Rome, la voiture diplomatique, avec le représentant américain à l'intérieur, est la cible 2 des automates. Et derrière le rideau de fer, à Prague, les étudiants tchécoslovaques manifestent à leur tour devant l'ambassade des États-Unis. À Paris enfin, le 18 mars, plus de 10 000 personnes remontent l'avenue de Villiers et le boulevard Clichy pour demander l'arrêt des combats. Dans le bouillonnant climat parisien de ce mois de mars 1968, la manifestation se termine en bras de fer avec la police. Des boutiques sont saccagées, des arrêts de bus vandalisés, une quarantaine de manifestants, en grande majorité des étudiants, sont arrêtés. Au même moment, dans le quartier Saint-Michel, d'autres étudiants hissent le drapeau du Front National de Libération du Vietnam en haut de la Sorbonne. Dans la rue, ils brûlent un mannequin bourré de paille à l'effigie du président Johnson. Certains d'entre eux taguent les noms des rues adjacentes et les remplacent par des noms de prisonniers nord-vietnamiens. Le boulevard Saint-Michel est ainsi renommé le boulevard Vietnam héroïque. Le 23 mars, à l'appel du mouvement des intellectuels français contre la guerre du Vietnam, plus de 5000 personnes se réunissent de nouveau à Paris, cette fois au parc des expositions, porte de Versailles. Sur place, en présence du représentant général de la République démocratique du Nord-Vietnam à Paris, des intellectuels français lisent à la tribune un texte d'appel à la paix. Un texte engagé, dont les premiers signataires ne sont autres que Louis Aragon, Simone de Beauvoir, François Mauriac, Pablo Picasso, Elsa Triolet et Jean-Paul Sartre. Les Vietnamiens combattent aujourd'hui pour nous tous. Toutes les forces démocratiques et progressistes dans le monde entier doivent s'unir pour faire face et pour abattre le gendarme démesuré et arrogant du monde dit par euphémisme libre. C'est au Vietnam que se joue actuellement notre sort, notre possibilité de ne pas être ni exploité ni aliéné. C'est le Vietnam qui, par ses souffrances, nous montre le chemin. En cette fin de mois de mars 1968, dans le bureau ovale de la Maison-Blanche à Washington, le président Johnson assiste médusé à cette vague de contestation devenue mondiale. Jour après jour, la rue gronde de plus en plus fort partout sur le territoire des États-Unis. La guerre du Vietnam, sa guerre, est désormais devenue son bourbier. Les sondages démontrent que l'offensive du Tet a un effet décisif, un impact terrible sur l'opinion publique américaine. À la fin mars, plus de 57% des Américains sont contre l'engagement de leur pays dans le conflit. Plus d'un Américain sur trois considère même que Johnson est le grand responsable de cette déroute. La défaite médiatique, ici même au pays, l'emporte sur la victoire militaire de ses boys sur le terrain. En pleine campagne pour sa réélection, le président comprend alors que les dés sont jetés. Dans son propre camp, une autre figure démocrate, son ancien vice-président, Hubert Humphreys, s'impose comme l'alternative au candidat républicain, un certain Richard Nixon. Alors, contraint et forcé, le président des États-Unis s'adresse à la nation le 31 mars 1968, en direct à la télé. Il annonce qu'il ne se représentera pas lors de l'élection de novembre, mais surtout il proclame la fin des bombardements Nord-Vietnam, ainsi que l'ouverture sans condition de négociations avec les représentants communistes. Dans les semaines qui suivent, au début du mois de mai à Paris, alors que les étudiants français battent le pavé, s'ouvre dans le plus grand secret la première rencontre entre émissaires nord-vietnamiens et américains pour mettre un terme à la guerre dans une villa discrète du sud de la capitale. Avec l'offensive du Tet, au prix d'un massacre humain considérable qui a conduit à une prise de conscience de l'opinion publique, le premier pas décisif pour la paix a été franchi. Il faudra ensuite attendre 5 ans, pour que les discussions aboutissent au départ du dernier soldat américain du Vietnam. Oh, Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la guerre du Vietnam, notre invité Thomas Znegaroff, bonjour. Bonjour. À la fois historien et confrère, c'est bien. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, on en dira un mot, une minute à la fin, s'appelle Little Rock 1957, l'histoire des 9 lycéens noirs qui ont bouleversé l'Amérique. Il est sorti là ce mois-ci, hein, le 1er mars, aux éditions Talendier. Vous nous présenterez ces 9 lycéens tout à l'heure. Pendant cette guerre du Vietnam, il y a une figure qui n'est pas la figure emblématique, quoi, qui l'est, mais dans le mauvais sens du terme, c'est Johnson. C'est un drôle de bonhomme, Johnson. Il arrive au pouvoir dans les conditions que l'on sait, dès le lendemain de l'assassinat de John Kennedy. Certains pensent qu'il a fait partie du complot. Enfin, c'est pas terrible hein, pour s'installer ce genre de situation. Ensuite, il est élu, il reste 4 ans, et il s'enfonce dans cette guerre du Vietnam. Mais rappelons-le quand même, le premier pas, c'est Kennedy qui le fait. Oui, c'est Kennedy qui envoie ce qu'on appelle à l'époque des conseillers techniques, des conseillers militaires, histoire de dire que ce ne sont pas des militaires des 63, mais effectivement, il va hériter d'une situation. Après, sa responsabilité historique, elle est quand même majeure, même si les Pentagon Papers ont montré que l'engagement au Vietnam, il date en fait de Truman. Mmh. Donc, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Américains regardent la zone, encore tenue par les Français, avec un regard à la fois inquiet et intéressé. L'inquiétude, effectivement, que le communisme trouve ici un terrain d'élargissement de son pouvoir. Et vous avez raison, c'est Lyndon Johnson qui est vraiment l'homme qui va s'enferrer avec une dimension psychique assez intéressante. Il a lui-même raconté, ou on a raconté de lui, que pour lui c'était devenu une sorte de certificat de virilité, de force, que de reculer sur le Vietnam, c'était reculer sur tout. Mmh. Alors que, et au point d'ailleurs que ça a balayé tout son héritage, qui est aussi un héritage important sur les droits civiques, notamment. Bien sûr. Bien sûr. Mais tout cela a été emporté dans une espèce d'incapacité à reculer une fois qu'on avait avancé. Et puis l'image, ce type, ce Johnson, on l'aurait bien vu chez les Républicains. Oui. Il est proche texan lui-même, oui. Proche des pétroliers du Texan, et peut-être même du complot qui détestait ces intellectuels de la côte Est, qui étaient Kennedy et la famille. Ça tombe mal, cette guerre du Vietnam, ça tombe surtout mal pour ses victimes, bien sûr, mais aussi parce que c'est dans un pays comme les États-Unis est engagé dans cette guerre-là, alors que aux États-Unis même, il y a une vraie contestation sociale, il y a un bouillonnement. C'est quoi les États-Unis de 1968? Oui, la guerre du Vietnam et l'offensive du Tet en particulier, que vous avez tellement bien raconté, c'est vraiment un point de convergence de toutes les radicalités et oppositions aux États-Unis. Vous avez, dès 1962, un premier livre écolo. Le printemps silencieux, on en a parlé hier avec les oiseaux, hein, Rachel Carson, 62. La même année, Michael Harrington sur les inégalités aux États-Unis. En 66, c'est Carmichael qui crée le Black Panther. C'est Martin Luther King qui, en 67, critique la guerre du Vietnam parce qu'on en voit beaucoup de noirs. C'est les mouvements aussi libertaires qu'on va retrouver lors de la convention démocrate qui va très très mal se passer à l'été 1968, etc. etc. C'est la Beat Generation, c'est plein de gens de vraiment d'horizons différents et qui vont se retrouver autour d'un combat commun. Et le combat commun, c'est la lutte contre la guerre au Vietnam. Pour une raison à peu près claire, pour tous ces gens-là, c'est que la guerre au Vietnam, c'est le symbole non seulement des errements et des mensonges du pouvoir, mais aussi d'une nation qui a perdu ses idéaux. D'une nation née tout de même de la décolonisation, n'oublions jamais, et qui est en train de devenir un empire. Et c'est en cela que ces gens-là se retrouvent dans une espèce de tradition anti-impérialiste. Vous savez, en 1899 déjà, quand les États-Unis avaient fait la guerre contre l'Espagne pour Cuba, il y a déjà une ligue anti-impérialiste qui va naître. Et George Sumner, un grand professeur de l'époque, fait une conférence qu'il appelle « La conquête des États-Unis par l'Espagne », et non le contraire. Parce que les idées de ceux qu'on a combattus sont en train de gagner chez nous. Et c'est ce qui est en train de se passer au Vietnam pour beaucoup. On était censé libérer des peuples, et en fait, on devient le peuple oppresseur. Et c'est exactement cela qui va réunir, mais on l'a vu dans votre récit, au-delà même des frontières américaines, parce que un Sartre, s'intéresse au Vietnam, mais au-delà de ça, à la dimension liberticide de ce qu'il appelle ce gendarme démesuré, c'est-à-dire cet empire américain. La guerre du Vietnam, c'est la mauvaise conscience occidentale par excellence. C'est la mauvaise conscience américaine. Oui, je dis occidentale, parce qu'elle n'est pas qu'américaine, puisque quelque part, nous, on fait partie du camp occidental. Donc si c'est la mauvaise conscience américaine, évidemment, et avant tout, ça peut être aussi la mauvaise conscience européenne, occidentale. Oui, c'est vrai, mais c'est d'abord quand même un sujet américain. Et c'est vrai, tout à l'heure vous disiez, Johnson aurait pu être républicain. Mmh. Il a été d'ailleurs soutenu par les républicains. En 1968, c'est aussi le chant du cygne d'une personnalité, d'un artiste extraordinaire américain qui est John Wayne, qui fait un film qui s'appelle Les Bérets Verts, qui sort en 68, qui est un film qui défend l'engagement, qui sort en juin 68, et qui défend l'engagement militaire américain. C'est un fiasco, il y a des manifestations contre ce film partout où il sort dans le monde, et notamment aux États-Unis. Et l'année suivante, le grand film, c'est Easy Rider. On voit qu'il y a une vraie bascule civilisationnelle quasiment. On bascule dans autre chose. Et Hollywood en est un parfait vecteur, un parfait miroir. Biskind, qui a écrit Le Nouvel Hollywood, explique que c'est vraiment à ce moment-là que le cinéma change totalement, que les héros changent de nature. Vous évoquiez une crise de l'Occident. C'est surtout une crise d'un Occident viril, d'un homme viril, qui se régénère par la guerre, pour la guerre. Et d'ailleurs, regardez cette nation américaine qui a tellement fait la guerre, elle ne refera plus la guerre avant la fin des années 80. Ce qui est une période historiquement inédite, sans faire de guerre. Et c'est une période effectivement d'interrogation fondamentale sur c'est quoi un homme, c'est quoi notre rôle, c'est quoi l'impérialisme, c'est quoi notre nation. Et le cinéma américain, regardez un film comme Voyage au bout de la nuit par exemple, Voyage au bout de l'enfer, au bout de l'enfer de 1978, qui raconte les désastres psychologiques. C'est métaphysique, il est métaphysique ce film, Apocalypse Now, pareil dans sa dimension symbolique. Full Metal Jacket aussi, de Kubrick, quelque part. Exactement, et ces films-là... Ce soldat, la baleine, c'est l'Amérique, c'est la mauvaise conscience de l'Amérique. Exactement, c'est l'Amérique qui est devenue folle en fait, qui s'est perdue dans la jungle. Comme d'ailleurs, Coppola est lui-même quasiment devenu fou dans la jungle quand il a fait son film. Il y a là une espèce de métaphore terrible. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Une métaphore fascinante de l'Amérique qu'on retrouve effectivement sur les écrans de cinéma. On va écouter une archive ensemble. Il s'agit du témoignage d'un jeune GI. Alors, il est noir. C'est important de comprendre pourquoi. Et en septembre 1968, il sert toujours au Vietnam. Et il témoigne au micro d'un journaliste de l'ORTF. Est-ce que vous croyez que les Blancs des États-Unis vous seront reconnaissants d'avoir fait cette guerre du Vietnam? Est-ce que vous croyez que ça va servir aux Noirs d'avoir autant de soldats dans cette armée américaine? La guerre ici en Vietnam, c'est pas très populaire avec tous les gens aux États-Unis. Les personnes noires aux États-Unis reconnaissaient que nous avons une obligation ici, comme Américains, pas les Noirs et les Blanches. C'est à peu près comme la main. Encore séparé en toutes les choses, mais encore la même. La main est américaine et les doigts sont de couleurs différentes. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a la ségrégation sociale dans les rangs de l'armée? Pas tant que ça. Alors, en deux temps, non sur le terrain, mais oui, dans la mesure où beaucoup plus de noirs que de blancs sont partis. Vous savez, en même moment où à Berkeley, les étudiants, ce qu'on a entendu dans votre récit, dans l'archive, ils parlent bien français, ceux-là, parce qu'ils sont éduqués, ils sont à l'université. Il y a un biais social très fort. Et la plupart de ceux-là ne partent pas faire la guerre. Ils arrivent à éviter la conscription. Ils arrivent à éviter de partir. Mais les jeunes noirs, ils partent tous. Et c'est en cela, d'ailleurs, que cette guerre, c'est une guerre aussi scandaleuse d'un point de vue social. Et Martin Luther King, en 67, évoquera cette guerre comme étant l'Amérique se comporte comme une colonie et l'Amérique est le plus grand agent de violence du monde. Parce qu'il sait bien que la dimension raciale est indéniable, indépassable. Et quand vous évoquiez tout à l'heure les grandes manifestations contre la guerre du Vietnam, ce sont des manifestations, et on retrouve ça un peu aussi à mai 68 en France, quand même des manifestations de bourgeois, bien éduqués, qui sont formés, qui ont un ancrage idéologique fort. Dans le sud des États-Unis, les Noirs américains, ils ne font qu'une seule chose pendant la guerre du Vietnam, c'est aller se faire tuer très très loin de chez eux. Alors, question stratégie militaire maintenant. Ho Chi Minh aurait dit un journaliste, je crois, qui lui demandait, mais enfin, comment vous allez résister à la grande puissance américaine? Et il a eu cette image, il a dit, voilà, vous imaginez une petite bête qui monte dans la trompe de l'éléphant, qui monte, et qui finira au cerveau, et qui lui brûlera le cerveau. C'est un peu ce qui s'est passé, non? Ouais, ça s'appelle la guérilla. Ouais, et effectivement, les Américains l'avaient pas bien saisi, et l'offensive du tête que vous avez évoqué tout à l'heure est vraiment cette idée-là de la guérilla qui surprend tout le monde, hein. Les Américains avaient vendu le Sud-Vietnam comme étant pacifié, comme étant stabilisé, comme étant désormais aux mains du camp de la liberté, et puis tout à coup, on se rend compte que c'est loin d'être le cas, que Saïgon est vraiment le lieu de l'émergence d'une guérilla très violente. Et les Américains, effectivement, vont se rendre compte que la puissance technologique ne peut pas tout. Et il y a d'ailleurs une forme de fascination aux États-Unis pour cette guérilla, où on se dit, mais ce sont eux, finalement, qui sont les héritiers des idéaux que nous sommes censés défendre. C'est eux qui ont un idéal patriotique. Nous, nos gamins, même si beaucoup sont partis volontaires, sont partis là-bas forcés d'aller se faire tuer au Vietnam. Alors que ces gens-là se battent pour leur pays, pour leur liberté. Vous voyez, on est sur un front inversé quasiment des choses. Et d'ailleurs, on en avait parlé ensemble, mais dans Le Retour du Jedi, eh bien, les Ewoks, George Lucas, qui sont quand même du côté du bien, les Ewoks sont construits sur les combattants du Viet Cong. Absolument. Donc c'est quand même intéressant de voir cette inversion des faits, y compris dans la grande industrie hollywoodienne, d'utiliser ces vecteurs qui sont théoriquement les ennemis à abattre, ceux du camp du mal, du camp du communisme, de l'asservissement de l'homme par l'homme, etc., qui se retrouvent être du côté de ceux qui libèrent l'homme de l'oppression technologique, militaire des États-Unis. Alors l'offensive du tête, puisque tel était le cœur de notre récit, d'ailleurs je note au passage que le film du grand Kubrick, Full Metal Jacket, c'est l'offensive du tête, hein, précisément, c'est vraiment un tournant. Alors, c'est pas un tournant stratégique, parce que la victoire militaire, elle est acquise pour les Américains en réalité, mais d'un point de vue médiatique, et vous avez bien fait d'insister là-dessus, d'un point de vue médiatique, c'est un point de bascule majeur. On a entendu Conkright, on voit à la télévision. Alors, c'est pas nouveau, hein. J'avais retrouvé les archives, Alina, qui est votre partenaire, des archives quasiment en direct de radio du débarquement en Normandie. On a des archives de la presse américaine, des médias américains, qui sur les navires font un reportage en direct à la radio, quasi en direct à la radio, le temps de la transmission. En revanche, là, il y a la force de l'image. Et l'image, elle est terrible. L'image, c'est ces soldats américains qui sont devenus fous, qui se promènent avec des colliers, avec des oreilles d'individus sur lesquels ils se sont servis. C'est des images de morts partout. Et c'est ces cercueils de GIs qui reviennent tous les jours avec ces drapeaux américains. Et c'est deux enjeux, si vous voulez. C'est d'un côté la télévision qui amène la guerre, vous l'avez dit, chez les gens, mais c'est aussi ces morts et ces soldats qui partent là-bas qui sont chez les gens. C'est 15 millions de jeunes Américains qui, de près ou de loin, ont été concernés par la guerre. C'est quasiment tous les Américains qui, dans leur famille, connaissent des gens qui sont partis faire la guerre, certains ne revenant pas. Donc il y a une distance qui disparaît par les médias, par la mort, par la vie familiale, et cette disparition des distances, elle explique aussi, et elle répond à votre question, pourquoi l'offensive du Tet, alors que c'est une victoire militaire américaine, a tout changé. C'est parce que c'est un point de bascule de l'opinion publique américaine qui va, comme je le disais au début, se retrouver. Toutes les luttes vont converger vers ça. Des luttes qui, a priori, n'ont vraiment rien à voir. Quel est le rapport entre un Duane Hanson, vous savez, le plasticien américain, l'artiste qui fait en 69 la supermarket lady, la femme qui pousse son caddie, vous savez, avec ses bigoudis sur sa tête, hyper réaliste, et la guerre du Vietnam? Quel rapport? Aucun rapport, a priori, mais il y a un rejet de cette société, un rejet de cette élite, un rejet des mensonges du pouvoir, et c'est pas fini, parce que derrière arrivera le Watergate, et ça s'inscrit dans une période, et puis entre-temps, les Pentagon Papers, hein, c'est le film de Spielberg, qui montre à quel point on a menti aux Américains depuis des années, et tout cela dessine ce qu'on appelle parfois la fin de l'innocence, une période vraiment emblématique, et l'offensive du Tet, c'est un point essentiel, cardinal, de ce moment vraiment de bascule majeure de l'histoire contemporaine américaine. Alors ce qui est a priori paradoxal, mais ça n'est pas tant que ça, parce que les présidents se succèdent, c'est que cette guerre du Vietnam va s'arrêter sous un président qui s'appelle Nixon, et qu'on n'imagine pas comme le moins anticommuniste primaire qui soit. Hein. En effet, il a même commencé sa carrière comme ça avec Al Jarry en 1947. Bien sûr. Oui, vous avez raison. Et auprès de McCarthy. Oui, c'est ça. Et pour autant, il a été celui qui s'est le plus opposé au Pentagone Papers, qui a été le premier président à imposer une censure à un journal, d'abord parce qu'il détestait comme Trump davantage les médias qu'il ne considérait que ça pouvait nuire à ses prédécesseurs démocrates, ce qui est quand même assez particulier comme trait psychologique. Mais c'est sûr, il a désengagé son pays du Vietnam, mais ça a été aussi une catastrophe, parce que, d'accord, la paix est signée en 73, mais qu'est-ce qui se passe en 75? Saïgon tombe, et vous savez que Henry Kissinger, qui avait obtenu le prix Nobel de la paix, il faut le faire quand même, le prix Nobel de la paix pour la fin de la guerre du Vietnam, a voulu le rendre en 75, mais c'est pas possible dans les statuts du comité Nobel, il a voulu le rendre parce qu'il considérait que c'était une défaite militaire, et le même Nixon, en 1985, 10 ans plus tard, publiera un best-seller, quand il reviendra un peu en grâce, après sa disgrâce très longue d'une dizaine d'années, il publiera un livre qui s'appelle No More Vietnams, dans lequel, là, il critique beaucoup ses prédécesseurs, et il dit à quel point les États-Unis ont vrillé, pas tellement d'un point de vue des idéaux, mais d'un point de vue aussi de la stratégie militaire. Quand il dit « no more Vietnam », ça veut dire « c'est pas plus de Vietnam, plus ce type de guerre, c'est plus de défaite militaire ». Qu'est-ce qui reste de cette mauvaise conscience liée à la guerre du Vietnam dans les États-Unis d'aujourd'hui ? Il reste un paradoxe, puisque cette histoire-là a conduit aussi au virage conservateur des années 80, avec un point commun entre Reagan et tout ça, bah c'est l'individualisme. Mmh. Et si vous voulez, un individualisme culturel s'est transformé en économique et politique. Et de ce courant-là, mais on a aussi ça, connu ça chez nous d'une certaine manière, hein, c'est une forme d'institutionnalisation de la lutte. Et de ce courant-là aurait pu naître une nouvelle gauche très puissante, un progressisme très fort avec un George Sanders président des États-Unis. Non, il y a une reprise morale, mais avec un point commun, ce n'est pas une réaction uniquement à cela, comme ça a l'air d'être une réaction à ces mouvements-là, c'est aussi un point de continuité dans la mesure où ce sont des mouvements très libéraux, très individualistes, qui mettent en cause l'État. L'État qui peut mentir, l'État n'est plus la solution, l'État n'est pas le problème, c'est l'État. Il n'est pas la solution, c'est le problème. Voilà, c'est le problème lui-même, disait Reagan en 1981, et ça c'est vraiment né dans les années 60. Et je rappelle que c'est le modèle dominant aujourd'hui. Absolument. Et qui a triomphé, littéralement triomphé. L'école de Chicago, Milton Friedman ont triomphé. Quelques mots sur votre tout dernier livre, Little Rock 1957, l'histoire des 9 lycéens noirs qui ont bouleversé l'Amérique. Vous avez 30 secondes pour nous le présenter. Ouais, c'est une histoire de déségrégation raciale. C'est l'histoire de 9 élèves noirs qui sont les premiers à entrer dans le grand lycée blanc de Little Rock. Cette histoire, elle date de 1957. Ils ont dû affronter la haine, la violence, le racisme et un gouverneur du Sud, Orval Phobus, qui s'est opposé au président des États-Unis. Ça a été tragique. Et j'ai rencontré les témoins qui sont encore vivants et qui sont encore marqués par cette histoire. Vous êtes formidable, vous avez fait 30 secondes. Monsieur l'historien qui est aussi monsieur journaliste et vous savez, vous connaissez bien le format de la radio. Merci beaucoup, cher Thomas. À bientôt, au revoir. C'est Affaires Sensibles aujourd'hui, la guerre du Vietnam, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Antoine Touboul qui était à la technique aujourd'hui.